voulais écrire une merde positive, mais mon style refuse. Pour ceux qui voient la rue comme une mer, mes mots fusent, au kilo c'est mon refuge. Le rap traverse l'enfer sans ventilo, sans clim. Macadam philo, Beretta Franklin. Mon arme chante et je marche seul comme dit l'autre. Je vous laisse rêver d'un monde sans crime. Crever, je m'arrache sur mon îlot, douleur sans cri. Je suis revenu du brasier en footing. Je diffuse mon savoir, je fais des traves by shooting. C'est mort, ça commence à se voir. Petite guérilla sur un son, pavard, je mets un nègre en or, un pack de balles en guise de poinçon. Je laisse cogner mes verres, j'attends la pluie de météore. L'air mort frappe à visage découvert. Donc je reconnais mes torts et j'appuie où ça fait mal. Le fond, la forme, mon harmonie. Y'a plus que des Tony, Money, Nino et G-Money. L'amitié se monnaie, l'amour se planque dans un bar à hôtesse. La liberté à Oni, loin de nos tests. Je te rappelle les chroniques d'un drame annoncé, vu que mon art proteste. Avec la même ironie qu'a canoncié, mon nid, je l'ai fait dans une cible. Avant de partir au bout du monde, genre missile, je trace des terres comme un martyr au bout d'une bombe. La plage, c'est clair. Ça tire, je crache du plomb. J'ai grandi cité Carter, entre le truand et le bon. Avant qu'on me l'artère, la vie, j'écris à l'encre de mes artères. La foudre, j'attire, j'irai au paradis en charter. J'ai le Peter Pan syndrome, mais sans la berceuse SVP. Cherche l'assassin de mon enfance avec un pompe sans le siège bébé. Musique à tête chercheuse, rêve d'une bombe à la Fashion Week. Trop en avance, j'ai mon LP dans la PlayStation 8. FPP, on plaise, apprenti punchliner. Pas facile me faire l'œil du tigre avec du eyeliner. Rap Call of Duty en ce qui me concerne, j'adoucis pas les titres. C'est pas du Polanski, ma zik touche pas les petites. J'suis pas venu par les frics, j'ai pris la pilule rouge à Morpheus. Une mèche du plastique, j'fais du Wolfgang comme Amadeus. La rue fait oui de la tête à chaque mesure que j'crache. Ça pue le classique, un son de crapule. Wolfgang, Wolfgang. Le beat en plastique, je cache une menace sous la capuche. L'ambiance la brûle. Wolfgang, Wolfgang. Cycle de paria, les rats des blocs hors demande. Wolfgang, ça reste basique, les rats des blocs hors demande. On fait dans le tragique, je compose des gros concertos en do majeur. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Si les hommes naissent pour mourir, mes requiem sont des berceuses. Les flammes, je les nourris. J'écris des missives à tête chercheuse, prêt à faire feu. Le disque est sur la rampe de lancement. Un beat nerveux, un centre comme au commencement. Mon nom sur le missile, ça semble étrangement calme ici, comme avant l'orage. Tu fais à tes homicides, tous mes vieux démons font plus leur rage. J'atteins mes cibles, je rappe, fauche les mots, le groove en l'aime sec. J'serais une légende vivante si j'étais mort au 18ème siècle. Mais j'sais pas mourir, faut l'admettre, j'suis lucide et pas pressé. Comme si j'écrivais ma lettre de suicide sur mon avis de décès. J'ai pris des coups pour une vie parfaite, sans les menottes et le panier. Mon dégoût de la défaite est plus violent que mon envie de gagner. Viens pour brûler la fête, maintenant le feu, tu sais qui l'a mis. J'prends pas ma retraite, j'leur passe leur lait, c'est un bâton de dynamite. Kick sur les gros tsunamis dans un verre de vodka sec. La rue m'admire depuis l'époque du post-cassette. De l'art, de la douleur, t'entendras pas mon microphone gémir. Y'a les génies, les escrocs. Moi j'suis un escroc de génie. Un accro dans leur plan, j'leur ai mise vu qu'ils veulent qu'on cesse. Les meilleurs partent en premier, sauf quand il est question de sexe. Rap Call of Duty en ce qui me concerne, j'adoucis pas les titres. C'est pas du Polanski, ma zik touche pas les petites. J'suis pas venu par les frics, j'ai pris la pilule rouge à Morpheus. Une mèche du plastique, j'fais du Wolfgang Amadeus. La rue fait oui de la tête à chaque mesure que j'crache. Ça pue le classique, un son de crapule. Wolfgang, Wolfgang. Le beat en plastique, j'cache une menace sous la capuche. L'ambiance la brûle. Wolfgang, Wolfgang. Cycle de paria, les rats des blocs hors demande. Wolfgang, ça reste basique, les rats des blocs hors demande. On fait dans le tragique, j'compose des gros concertos.